Retrouvez toute l'actualité des sports automobiles dans Auto Hebdo avec RMC. RMC Motors avec Motors TV, Laurent Frédéric Bollet. Salut à tous, 12h09 sur RMC et comme tous les dimanches, c'est en direct que se déroule cette émission Motors, le rendez-vous des spécialistes, des passionnés, des fondus de sport mécanique et Dieu sait qu'il y en a, que ce soit sur 4 ou sur 2 roues. On parlera un petit peu de roues, tiens d'ailleurs, tout à l'heure, parce que le champion du monde Superbike, hein, ça commence la semaine prochaine. Rodolphe Quasco viendra nous présenter un petit peu les forces en présence, mais en majorité, ce sera des 4 roues hein, dont on parlera aujourd'hui avec le journal de la F1, bien évidemment, à 12h30. On reparlera Formule 1 d'ailleurs dans la deuxième heure, car Philippe Séclier, le rédacteur en chef d'Auto Hebdo, eh bien, viendra nous présenter le beau guide F1 d'Auto Hebdo, notre partenaire hein, bien souvent sur RMC. Donc présentation complète de ce beau magazine. Ouais, voilà, parce que là il faut vraiment avoir toutes les clés en main hein, pour savoir à quoi s'attendre dans cette saison 2010 de F1. On va parler également endurance, mais je voudrais dédier cette émission au petit Alexandre Bourdet, qui est né hier, fils de Sébastien et de Claire. Je pense que je suis autorisé à donner les tailles. Hein. 47 cm de kilo 6. Alors, c'est un petit bout de chou, Alexandre Bourdet. Mais en tout cas, qui nous dit qu'il ne sera pas dans 25 ans champion du monde de Formule 1 hein. En tout cas, bravo Alexandre. Bienvenue au club. Et félicitations, bien sûr. Et gros bisous à la maman. Félicitations au papa Sébastien. Allez, on va rester dans le domaine de l'endurance. Parce que maintenant, Sébastien Bourdet se concentre en endurance. Et on va retrouver un pilote qui a d'ailleurs piloté avec Sébastien. C'est Manu Collard, Emmanuel Collard, qui est avec nous pour débuter cette émission. Salut Manu. Bonjour. Eh bien, ravi de t'avoir. C'est donc à toi que revient l'honneur de débuter cette édition de Motors aujourd'hui. Toi qui reviens tout juste, eh bien, d'une petite semaine passée en Floride à Sebring, car le compte à rebours est entamé. Hein, dans un mois pile, début de la saison d'endurance, les 12 heures de Sebring, tu y seras. On est bien d'accord. Toi qui as déjà gagné d'ailleurs ces 12 heures de Sebring. Oui, bah cette année j'y serai avec donc Corvette, puisque c'est mon ta nouvelle équipe. Ma nouvelle équipe, ouais. Donc ce sera la première course avec eux et effectivement on a passé une semaine là-bas sur place à Sebring pour des essais. Alors, on va revenir sur ton transfert, si j'ose dire, chez Corvette. Bon, juste d'un strict point de vue comme ça, de réaction à chaud, comment sont passés ces essais, les températures, la connaissance de ta nouvelle équipe, les Américains, tu travailles avec eux maintenant, comment ça s'est passé? Bah super, une très très bonne ambiance. Bon, en plus, les pilotes, j'en connais quelques-uns plus que bien. Là, je pense notamment à Olivier Beretta. Voilà, oui. Et puis, non, l'équipe aussi, très très sympa. Je les connaissais un petit peu aussi quand j'avais fait le programme Cadillac. Oui, c'est vrai, tu as été déjà un peu aux États-Unis. C'est le même groupe et il y avait déjà Corvette qui était là. C'est des gens que je connaissais. Déjà à l'époque. Bon, alors, on va rappeler hein, que tu as été pendant bien des années pilote officiel Porsche. Donc ça, c'est terminé, sans vouloir remuer peut-être un couteau dans la plaie. On est bien d'accord. Non, ouais, disons que la situation économique est pas actuellement est désastreuse, on va dire. Ouais. Et donc, ce n'est peut-être qu'à nous revoir, on ne sait jamais. Oui, parce que bon, tu as quand même passé bien des bons moments, si j'ose dire, avec Porsche, puisque tu as, bah, par exemple, gagné Sebring, on en parlait au classement général, hein, pas en catégorie, je parle bien, en 2008, tu gagnes Sebring au général, avec Romain Dumas et Thibaut Bernard, c'est bien au volant d'un proto Porsche, hein, engagé à l'époque par Penske, donc je veux dire, tu as apporté beaucoup aussi à Porsche. On t'a signifié quand, qu'hélas, on ne pouvait pas peut-être te conserver, au moins dans l'immédiat? Bah assez tard, hein, dans la mesure où ils ont vraiment fait le maximum pour essayer de trouver un programme. Le problème aujourd'hui, c'est que Penske a arrêté, et le Grand Dame, ils ont arrêté. Donc il y avait beaucoup trop de pilotes pour peu de programmes, on va dire. Et donc ça a été annoncé assez tard parce qu'ils ont vraiment fait le maximum pour essayer de trouver quelque chose en ce qui me concerne. Quoi. Bon, alors, tu rebondis quand même pas mal, me semble-t-il, chez Corvette. Est-ce que je peux me permettre de te demander si c'est eux qui sont venus un petit peu te chercher ou si c'est toi qui as réussi à te placer, entre guillemets? Non, c'est moi dans un premier temps qui ai fait la demande. Ils étaient censés être complets et puis heureusement, en dernière minute, ils m'ont rappelé parce qu'effectivement, il y avait une place qui se libérait. Tu parles de Marcel Fessler qui rejoint Audi et qui donc effectivement libère la place chez Corvette. Ouais, d'accord, donc ça tombait pas mal. Bah, ça tombait plutôt bien, ouais, parce que bon, c'est sûr que ce programme-là, c'était quand même quelque chose de très intéressant pour moi, dans la mesure où c'est du GT2 certes, mais on se bat avec d'autres constructeurs et on est sûr d'avoir une bonne voiture. Donc bah ouais. C'est plutôt intéressant. Non, bah écoute, t'as bien fait, je pense, de te montrer, ou en tout cas d'aller dire que t'étais peut-être disponible, parce que qui n'a rien, enfin, faut quand même y aller, quoi. Donc là, je crois que t'as bien fait, et je pense qu'après, il y a pas photo, hein, personne va crier au scandale, bien sûr, de voir que tu es intégré à l'équipe Corvette. Alors je rappelle qu'effectivement, les six pilotes sont Yann Magnussen, Johnny O'Connell, Antonio Garcia, qui était arrivé l'an dernier, Olivier Beretta et Oliver Gavin. Tu seras associé à Beretta Gavin, c'est ça? Oui, exact. Ouais. Ouais. Bon, bah, c'est un équipage très très solide, hein, qui connaît très très bien la voiture et l'équipe. Ouais, t'arrives dans une équipe très pro, très rodée, qui connaît bien la chanson. Hein. Ouais, non, franchement, j'étais pas surpris parce que je connaissais déjà un petit peu, mais franchement, c'est très belle équipe, très bien organisée. C'est toujours les mêmes personnes qui sont là-bas depuis des années, donc ils savent précisément ce qu'ils ont à faire chacun, et on sent qu'ils sont, ouais, ils sont bien préparés. Ouais, ouais. Alors, quel est ton programme exactement cette année avec eux? Alors, je fais les trois grandes courses, les trois grandes classiques, c'est-à-dire les 12 heures du Bring, les 24 heures du Mans et les Petit Le Mans. Ouais, d'accord. Et puis, à côté de ça, je vais faire aussi les 24 heures du Nürburgring avec une Audi R8. Ah, ouais, très bien, très bien. Et puis, j'espère trouver un programme aussi en Le Mans série avec un proto. Mais ça, c'est encore d'accord, ça, c'est, en discussion. Bon, eh ben, écoute, on te souhaite plein de bonnes choses. Alors, voilà. C'est vrai que ces trois grandes courses, maintenant, ça devient de plus en plus ce qu'on peut appeler une sorte de triple couronne. Hein. C'est vrai que Sebring, Petit Le Mans, maintenant, le pli est pris, hein, dans le cadre de l'American Le Mans Series. La majorité des équipes disputent ces deux courses qui ont vraiment pris une stature internationale évidente. Le Mans, on n'en parle pas, ça, c'est, ouais, c'est évident pour tout le monde, mais c'est vrai. Hein. Sebring et Petit Le Mans, même si c'est loin, quelque part aux États-Unis, ça fait maintenant partie souvent d'un programme international. Toi, ce sont des courses que tu aimes bien? Ouais, c'est des courses qu'on a tous envie de gagner, ça c'est sûr. Ça fait partie des grandes classiques, comme je disais précédemment. Et puis l'ambiance est très très très très bonne aussi, quoi. C'est vraiment sympa comme course à faire. Bon bah, en tout cas, je t'annonce que ce sont deux courses qui seront à vivre en direct sur Motors TV cette année, que j'aurai le plaisir de les commenter. Donc j'aurai le plaisir de te commenter, et j'espère qu'on pourra te passer un petit coup de fil pendant le direct, bien sûr. Je regardais juste dans tes 15 participations au Mans, si tu avais déjà couru en GT2, puisque là tu vas te retrouver en GT2, et si je ne me trompe pas, en 2003 t'étais, ouais, avec Alex Job, hein, en GT3 avec Lucas Lourd et Sacha Masson. Ça sera juste ta deuxième fois en GT2 alors. Voilà, c'est ça. Enfin, t'étais avec une Porsche GT3. J'avais gagné à l'époque, j'espère bien refaire ça cette année. Voilà, c'est ça. Et tu en seras donc à ta 16e participation au Mans. Tu sais qu'à part Christophe Bouchu, c'est toi le plus capé maintenant, hein, des pilotes, on va dire, contemporains, ouais, au Mans. Eh oui. Bon, tu le savais, tu le savais pas. Non, sincèrement, ouais, 15e, ça commence à faire, mais je pensais pas que j'étais un des plus vieux. Ben oui, je t'annonce qu'il y a Christophe Bouchu qui a une participation de plus que toi, et quand tu regardes la liste encore l'an dernier des pilotes au Mans présents, alors, Yann Lammers, oui, est devant toi, mais Yann Lammers, je suis pas sûr qu'il l'ait fait à tous les coups ces dernières années, en tout cas, donc t'es vraiment dans le top 5, hein, ça c'est sûr, des pilotes les plus capés au Mans. Bon, bah, de toute façon, t'adores le Mans, hein, tu refuses pas. Oui. D'ailleurs, je rappelle aussi que l'an dernier, Manu, t'as gagné la catégorie LMP2, t'étais avec une Porsche RS Spyder, avec Casper Elgaard, ouais, et Chris Poulsen. Tu t'étais classé 10e au général, et c'est donc toi qui avais gagné la catégorie P2. Ça reste un bon souvenir, j'imagine. Ouais, très très bon. Bah, même, ce qui est important, c'est de toujours se battre pour la victoire. Et là, bon, en P2, en plus, la voiture était fantastique à piloter. Et ouais, ça reste un super souvenir. Et puis, je vais rappeler que tu es monté deux fois sur le podium au Mans, hein, classement général, et que tu as une pole à ton actif. Bref, tu es un super pilote, Manu, on te soutient à fond. Et on, merci, se réjouit de te voir dans un mois, donc en direct sur Motors TV pour les 12 heures de Sebring. Bon, okay, dimanche, Manu, à bientôt. Merci. Hein. Ouais. Okay. Allez, salut. Voilà, allez, on marque une petite pause et puis on revient pour dérouler la suite de Motors. À tout de suite. RMC Motors avec Motors TV, Laurent Frédéric Bollet. Voilà, toujours en direct dans Motors, le journal de la F1, c'est dans une dizaine de minutes. Mais on a commencé à parler endurance dans cette émission avec Emmanuel Collard qui a été notre premier invité. Et bien, on va continuer à parler endurance avec un personnage que je qualifierais de discret dans le monde de l'endurance, mais qui fait de plus en plus parler de lui. Bonjour Alexandre Péchy. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. C'est vrai que c'est pas tous les jours hein, qu'on a la chance de pouvoir parler à une heure de grande écoute avec vous. Même si votre équipe Rébellion Racing commence à de plus en plus faire parler d'elle. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. Est-ce que vous aussi, vous avez conscience que vous devenez un acteur majeur de l'endurance maintenant ? Alors, je sais pas si on devient un acteur majeur de l'endurance actuellement. Puisque ça fait seulement la quatrième année cette année qu'on sera en endurance. Oui, mais chaque année, moi je trouve que vous montez en puissance. Et cette année, en tout cas, ça se présente bien puisque votre équipe, ben, vous allez aligner deux voitures proto, hein, P1 aux 24 heures du Mans. Et on apprend ben, des recrutements de pilotes qui sont vraiment top. Hein. Jean-Christophe Bouillon, Guy Smith, ancien vainqueur du Mans avec Bentley, vous rejoint cette année, en plus des pilotes qui étaient déjà là avec vous l'an dernier, Nicolas Prost, Neil Jani et Andrea Bellicchi. Elle commence à avoir fière allure cette équipe. Vous êtes fier d'avoir ces pilotes avec vous ? Alors effectivement, je suis très fier d'avoir Bellicchi qui est avec nous depuis le début, également Nicolas qui est avec nous depuis l'année passée. Mm-hmm. Et puis effectivement cette année, Jean-Christophe Bouillon et Guy Smith qui nous rejoint pour les 24 heures du Mans. Voilà, Jean-Christophe Bouillon donc en provenance de Pescarolo, Guy Smith qui, je le disais, a gagné le Mans. C'est du solide, alors il y a 5 pilotes officiels pour l'instant connus, on est bien d'accord qu'il vous en reste un à officialiser, c'est pour bientôt ? Bon, écoutez, c'est pour la semaine prochaine, mais je peux déjà vous dire éventuellement le nom si vous voulez. Ah ben je veux bien avoir cette info en primeur, oui, merci Monsieur Péchy. Alors, de qui s'agit-il ? Alors il s'agit de Marco Andretti. Marco Andretti, ah bah attendez, c'est carrément une grosse nouvelle ça. Marco Andretti, le petit-fils de Mario, le fils de Michael, qui va venir au Mans avec vous. Eh oui, exactement, et également aux essais au Paul Ricard. Oh, mais alors là, vraiment merci de nous donner cette nouvelle. Alors comment vous êtes allé le chercher déjà, parce que je vous cache pas que vous vouliez un pilote nord-américain, ou comment ça s'est fait? Écoutez, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que notre sponsor principal, Rébellion, les États-Unis, c'est son marché principal. Mmh. Et d'autre part, nous avons également d'autres sponsors américains. Donc, il me semblait logique d'avoir aussi au moins un pilote américain. D'accord. Et le nom Andretti, oui, effectivement, nom magique. Marco, il a été convaincu, il voulait faire Le Mans ? Alors oui, ça a toujours été un de ses rêves. Malheureusement, il n'a jamais eu l'occasion. Jusqu'à présent. Bon, je crois que son grand-père l'a bien convaincu. Hein. Bon, vous savez que c'est le drame hein, de Mario Andretti de n'avoir jamais gagné les 24 heures du Mans, mais c'est évidemment une course qu'il ne manquait pas. Et donc, la relève est assurée. Marco Andretti aux 24 heures du Mans, grâce à vous, grâce au Rébellion Racing. Ah bah, écoutez, vraiment merci de nous annoncer cette nouvelle. Je crois qu'on peut vraiment dire que c'est un scoop. Eh bien, j'avais vraiment raison. Votre équipe, elle est de plus en plus importante dans le monde de l'endurance. Alors, présentez-vous un petit peu, si vous voulez bien, Monsieur Péchy. Comment en êtes-vous venu à investir un petit peu et à vouloir jouer ce jeu du sport automobile au plus haut niveau, et notamment en endurance? Écoutez, l'automobile a toujours été pour moi une passion. Hein. J'ai jamais piloté moi-même, mais j'ai toujours voulu travailler dans le domaine du sport automobile. Mmh. Et donc là, il y a 3 ans, j'ai eu l'occasion de pouvoir engager tout d'abord une GT2, puisque c'était une Spyker. Oui. Puis l'année d'après, d'engager une Spyker et une Lola en LMP2. Mmh. Puis l'année passée, d'engager donc deux protos, un proto en LMP2, un proto en LMP1. Voilà, ouais, vous étiez la seule équipe à engager dans les deux catégories d'ailleurs. Effectivement, voilà. Et alors, là, ce qui est amusant d'ailleurs, là, je le signale au passage, c'est que la P2 a terminé devant hein, au classement général à la fin des 24 heures du Mans en 2009. Bon, enfin bon, il y a toujours des petits soucis, on va dire, hein, dans une course d'endurance. Mais c'est vrai, la P2 avait terminé devant la P1, mais vous étiez quand même à l'arrivée. 12e place au général pour la P2, 14e pour la P1. J'imagine quand même que le bilan avait été satisfaisant, non? Alors, effectivement, au 24 heures du Mans, le bilan était très satisfaisant, avec la deuxième place inespérée, je dirais, au 24 heures du Mans, puisque à quelques heures de l'arrivée, on était encore troisième. Puis avec l'accident de la Porsche, ça nous a permis d'accéder à la deuxième place. Par contre, je suis très content aussi du résultat de la LMP1, puisqu'on était sixième lorsqu'on a eu un problème de boîte qui nous a retenu au stand pendant plus de 45 minutes. Oui. Et on a pu juste repartir, réparer et repartir pour faire le dernier tour. Bon, en tout cas, donc cette année, ce sont bien deux voitures en P1. D'ailleurs, on a découvert la décoration là, il y a quelques jours. Bon, l'identité suisse, hein, je rappelle, oui, parce que je ne l'ai pas dit, que vous êtes de nationalité suisse. Là, vous nous répondez en direct depuis la Suisse, j'imagine. L'identité suisse est bien affirmée, hein, on est d'accord. Il y a le drapeau qui est visible. Alors effectivement, cette année, on a décidé de faire le toit aux couleurs du drapeau suisse. et puis de travailler plus dans le blanc, puisque l'année passée, on avait une voiture bleue et une voiture rouge. Cette année, les voitures seront plutôt sur le blanc, le rouge et le doré. Le doré, oui, à devant, il y a cette belle plage dorée là, ouais, non, c'est bien. Alors, ce sont des châssis Lola. Bon, l'année dernière, c'était des Lola Aston Martin, un moteur Aston Martin. Là, cette année, c'est Lola moteur Rébellion. Mais alors, ce moteur Rébellion, c'est un ancien moteur Aston Martin que vous rebadgez ou c'est un peu plus que ça finalement? Non, du tout. C'est effectivement, au fond, c'est un moteur Judd. D'accord. Sur lequel on a fait quelques aménagements afin d'améliorer les performances, d'une part, mais surtout, on a travaillé au niveau du faisceau électrique et toute la partie électronique. D'accord. Donc oui, votre valeur ajoutée et votre apport n'est pas négligeable. Donc on parle bien de Lola Rébellion. Et donc au Mans, on va parler de cette grande course. Vous allez vous retrouver face à 4 Peugeot, 5 Audi, 3 officiels et puis 2 R10. Bon, quand on est face à une armada pareille, parce qu'on peut imaginer qu'une nouvelle fois peut-être la victoire va se jouer entre Peugeot et Audi. Quels sont véritablement vos objectifs pour les 24 heures du Mans ? Alors, nos objectifs pour le 24 heures du Mans, il est clair que essayer, espérer monter sur le podium, c'est quasiment mission impossible. Parce que face à un diesel, malgré les quelques petites différences qu'il y a entre les deux voitures, il y a quand même, au niveau des performances, énormément de différences. Donc, pour moi, ce qui est le plus raisonnable, c'est d'être dans le top 10. Top 10, c'est ça votre objectif pour les 24 heures du Mans. Vous faites aussi la saison Le Mans Series. Oui, exactement. Oui. Là, peut-être que les objectifs sont un petit peu plus hauts. Alors là, effectivement, l'objectif est plus élevé puisqu'on essaiera de faire le maximum de podiums possible, y compris au championnat. Bon, bah écoutez, c'est bien noté. En tout cas, ça démarre dans pas si longtemps que ça, Le Mans Series. Et puis, Le Mans, bien sûr, c'est à la mi-juin, mais il faut préparer ça bien en amont. En tout cas, merci Monsieur Péchy d'avoir été notre invité. Merci d'avoir consacré un petit peu de votre temps, j'imagine précieux, à Motor sur RMC. Et puis, merci surtout pour l'info. Marco Andretti, donc, au départ des 24 heures du Mans, grâce à vous. Là, je crois que vous avez fait un superbe recrutement et on va en parler. Merci Monsieur Péchy. Merci à vous. Et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Allez, dans quelques instants, le journal de l'AF1 sur Motors. Et on parlera bien sûr des tests de RERES qui ont eu lieu cette semaine. Et croyez-moi, eh bien, il y en a des choses à dire. Et puis il y aura bien sûr le flash olympique. RMC à l'heure olympique à Vancouver, le flash olympique d'ici quelques instants. A tout de suite. RMC Motors avec Motors TV, Laurent-Frédéric Bollet. La saison de Formule 1 repart dans moins d'un mois et évidemment elle sera à suivre sur RMC avec la Dream Team, Patrick Tambay, Jean-Luc Roy, Stéphane Sanson et Antoine Arlot pour vous faire vivre les 19 Grands Prix en direct. On ne ratera rien une nouvelle fois sur RMC cette année. Et ont eu lieu cette semaine des essais et il n'y en a pas tant que ça cet hiver, donc c'est très important et c'est Stéphane Sanson aujourd'hui qui va nous en parler. Salut Stéphane. Salut, bonjour à tous. Merci d'être là Stéphane avec nous en direct dans Motors. Donc tu as suivi bien évidemment ces essais de RERES, mais avant de les détailler, je voudrais peut-être qu'on parle des dernières actualités. Et ces dernières actualités, elles concernent des nouvelles équipes. On sait tous qu'il y en a plusieurs qui sont censées débuter. Tu nous confirmes que l'équipe Campos, à propos de laquelle on commençait véritablement à s'inquiéter, serait sauvée, elle a été rachetée. Alors ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que Campos est au plus mal. Mmh. On sait qu'il a confié la conception de sa voiture au spécialiste italien Dallara. Les factures n'étaient pas payées. Dallara a stoppé la conception de cette voiture. On est à la bourre. Le premier Grand Prix, c'est le 14 mars. Là, les voitures doivent partir dans à peine 15 jours. Mmh. Campos cherchait des partenaires depuis un bon moment. A priori, il aurait trouvé quelqu'un pour reprendre son équipe, faire appel à cette Dallara. Mais voilà, maintenant, il faut passer les crash tests. Il faut trouver les pilotes. Il faut terminer les voitures, recruter les mécaniciens. Et puis arriver à temps à Bahreïn, ça paraît très très compliqué pour Campos, moins compliqué encore que pour USF1. Alors voilà, là, oui. C'est sûr, il ne sera pas à Bahreïn. Alors toi tu l'affirmes, c'est évident pour toi. C'est évident qu'ils ne seront pas à Bahreïn et sur les premières courses, c'est Bahreïn, Australie, Malaisie et Chine. Ah oui, carrément. Ken Anderson, qui est à la tête de l'équipe, a demandé à la FIA une dérogation spéciale pour manquer ces 4 courses. Cela dit, voilà, moi j'ai quelques petits contacts dans l'équipe. C'est un peu la cata complète. Les membres de l'équipe ne sont pas payés ou on leur donne la moitié de leur salaire. Il existe une monocoque, mais qui aurait plus ou moins volé en éclats pendant le crash test. Peter ouais. Windsor, qui est le numéro 2 de l'équipe, a parlé à José María López, l'unique pilote retenu pour le moment, l'Argentin, pour lui dire, écoute, tu nous as déjà donné un petit million de dollars, mais ça ne sert pas à grand-chose. Je crois qu'on ne sera pas sur la grille. Bref, ça sent très mauvais du côté de USF One. Mmh. Et c'est pour ça qu'une équipe qui s'appelle Stéphane GP, qui a racheté les droits intellectuels de la Toyota, qui aurait dû courir cette année, est en train de se préparer. Parce que c'est une équipe serbe qui est en train de se dire, bah, si jamais USF One laisse passer l'opportunité d'être en F1, bah, nous on sera là avec une voiture. Et alors, après. Tu crois qu'effectivement, du coup, Stéphane GP a vraiment des chances? Le truc, c'est que la voiture, apparemment, ce qui aurait dû être la Toyota de cette année, a démarré. Elle va rouler dans peu de temps. Il faut juste lui trouver des pneus, parce que, évidemment, comme Stéphane GP n'est pas une équipe officielle de Formule 1, Bridgestone n'a pas à lui fournir de gomme. Donc il faut juste qu'il trouve de quoi pouvoir rouler. Et puis après, il faut surtout que la FIA leur donne le droit de participer à ce championnat, ce qui est loin d'être gagné. En tout cas, on s'oriente peut-être vers une F1 à deux vitesses cette année, avec, on en parlera tout à l'heure, hein, des McLaren, des Ferrari, des Red Bull, qui sont super rapides, et puis derrière des Lotus, des Virgin, et puis peut-être Campos, US, etc., qui eux vont être très très à la traîne. Tu es d'accord qu'on se doutait que ça allait être difficile pour toutes ces nouvelles équipes, mais il n'y a pas une miracle, et c'est effectivement très difficile, voire même ils n'y arriveront pas, c'est terrible. Ce qui est vraiment frustrant, en fait, c'est que il y avait des équipes qui vraiment tenaient par terre dans les candidats qui voulaient s'engager pour cette année. Il y avait Lola, qui est vraiment spécialiste britannique, qui avait déjà passé sa monoplace en soufflerie, qui avait les fonds pour s'engager. Il y avait ProDrive avec David Richards, peut-être la marque Aston Martin qui pouvait revenir. Max Mosley, qui était encore président de la fédération, et les gens qui le conseillent, ont décidé pour des motifs divers et variés de retenir des gens comme Campos, comme USF One. Et finalement, il y a un petit goût amer qui reste dans la bouche de tous les candidats aujourd'hui, parce qu'on se dit, peut-être que la grille aurait été plus fournie et plus compétitive si on avait considéré les autres, mais les autres ne remplissaient pas tous les critères requis à l'époque. Bah oui. Alors, dernière question peut-être pour parler de ça. Bon, USF1, tu dis qu'il manquerait les 4 premiers Grands Prix. Bon, on a bien compris qu'il y avait éventuellement marqué dans les statuts, si j'ose dire, de la F1, une possibilité de rater 3 courses. Donc là, c'est quoi? On est encore au-delà? C'est un cas de force majeure et on n'a pas le choix. La FIA, même si elle veut que son règlement soit appliqué, que toutes les équipes fassent tous les Grands Prix, à un moment donné, il va bien falloir quand même qu'elle prenne en compte la réalité. C'est ça que tu penses? En fait, ce qui se passe, c'est que cette possibilité prétendue de manquer 3 courses, elle est née d'une incompréhension des accords de la Concorde qui régissent un peu les droits commerciaux en Formule 1. D'accord. Les équipes, elles se sont mises d'accord il n'y a pas très longtemps pour les nouveaux accords Concorde qui courent jusqu'en 2012 pour se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si notre usine prend feu, s'il y a une inondation, si notre camion qui transporte la voiture a un accident sur l'autoroute. Et les équipes se sont mises d'accord pour que, sans pénalité, chaque équipe puisse manquer 3 courses par saison. Oui, pas après tout, pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Des cas de force majeure. Et puis, petit à petit, ça a été interprété comme les équipes qui ne sont pas prêtes peuvent manquer 3 courses. Mais ça ne répond pas du tout au cahier des charges et ce qui a été prévu dans le scénario de désaccord de la Concorde. Et c'est pour ça que la FIA est sortie du bois, la fédération, il n'y a pas très longtemps, pour dire non, rater les 3 premières courses, ce n'est pas quelque chose qui est acquis et autorisé. Si vous n'êtes pas là dès la première, ça va vous coûter bonbon. D'accord, non, mais tu fais bien là de préciser un petit peu les cadres de ces interprétations. Bon, en tout cas, USF1, on peut imaginer que la FIA voudrait peut-être sauver une sorte d'entité nord-américaine, parce que bon, ça peut être important, mais ça s'annonce très difficile, c'est ça. Ça s'annonce difficile, d'autant que apparemment, voilà, le personnel vient un petit peu quand ça lui chante, d'abord parce qu'il n'est pas payé, puis après lorsqu'il est à l'usine, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de plan qui vienne du bureau d'études, il n'y a rien à produire en fait, et c'est vrai que même si USF1 était autorisé à manquer ses 4 premiers Grands Prix, on a l'impression que c'est de l'acharnement, qu'on les perfuse un petit peu, et que surtout Ken Anderson, Peter Windsor ont du mal à reconnaître la réalité et dire bon bah oui, on n'est pas capable de le faire, on arrête. Ils essaient toujours de repousser, c'est une sorte de fuite en avant, faire croire aux gens que le projet est sur des rails, alors que je vous le disais, dans l'usine, il y a une monocoque, il y en avait une la semaine dernière, et elle aurait peut-être même éclaté en 1000 morceaux sur une tentative de crash test cette semaine. Donc, évidemment. Bon, allez, on parle de ces essais de RS. Donc 24 pilotes ont pris la piste finalement entre le 17 février et hier le 20 février. Alors en fait, il n'y a eu qu'une seule vraie journée sur le sec, c'était hier, donc voilà pourquoi les 9 premiers chronos de la semaine ont été signés hier. Alors, il faut quand même dire, Stéphane, j'imagine que les équipes l'ont un petit peu mauvaise d'avoir passé quand même 3 jours avec une piste mouillée en milieu de semaine. C'est évident que c'est pas l'idéal. Oui, d'autant qu'il n'y a que 15 jours d'essai pour se préparer. Donc là, il ne reste plus que 3 ou 4 jours à Barcelone la semaine prochaine avant de mettre les voitures dans les containers et les envoyer à Bahreïn. Normalement, dans le sud de l'Espagne, on est plutôt tranquille au niveau du climat. Et là, c'était pas seulement des averses, c'était quelque chose d'assez incroyable. C'était un déluge. Il y a eu des inondations dans le centre de Valence. Et au soir du deuxième jour, les membres de toutes les équipes ont mis 2 heures pour rentrer à leur hôtel parce que toutes les rues de Valence étaient inondées, etc. Donc voilà, il y a eu une journée sur le sec. Et c'est vrai que la journée journée d'hier a été très très disputée, malgré 2-3 drapeaux rouges, vous savez, la séance qui est interrompue parce qu'il y a une petite panne sur la piste, etc. Voilà, alors Button, donc, restera comme celui qui aura roulé le plus vite dans la semaine, hier, avec sa McLaren, une 18-8. Kubica, sur la Renault, deuxième. Kobayashi, troisième chrono. Mark Webber, quatrième. Vite Antonio Luzzi, cinquième. Voilà pour le top 5, on détaillera après les équipes. Bon, toujours difficile de faire la part des choses entre ceux qui sont sur des longs runs, peut-être, et ceux qui ont vraiment cherché à faire un chrono sur un tour. Ouais, c'est toujours difficile à interpréter ça pendant l'hiver et ça l'est encore plus cette année parce que tu sais, comme on n'aura plus le droit de ravitailler en carburant, on embarque des réservoirs de 200 kilos et c'est clair contre une voiture à vide et une voiture qui fait des simulations de deux courses, on est à 4 voire 5 secondes de différence au niveau de la perfo sur un tour. Donc c'est compliqué de savoir qui part avec quelle quantité de carburant. Cela dit, là, après 3 séances d'essai, on commence à avoir une petite idée de la hiérarchie. Ce qui est sûr, c'est que le top 4 est là. Ceux qu'on attendait sont là. Hein. Les 4 grandes, c'est McLaren, c'est Ferrari, c'est Red Bull et c'est Mercedes. C'est bien d'elles dont tu parles. Oui, exactement. Voilà. Elles sont là toutes les quatre, avec peut-être pour le moment un avantage Ferrari qui joue l'intox, avec un Fernando Alonso qui, hier, en quittant le circuit, a dit « Je suis très, très optimiste. Toutes les autres équipes, nos 3 adversaires principaux, ont déjà abattu leurs cartes, ont montré quel était leur niveau de performance absolu. Nous, on ne l'a pas encore fait. » Peut-être qu'il nous manque un tout petit peu de performance sur les qualifications, quand la voiture tournera à vide, mais sur les longs runs, sur les simulations de course, je pense que la concurrence pourrait être surprise par notre niveau à Bahreïn. Bon, voilà, alors, ça c'est dit. Alors toi, le vrai spécialiste, quand tu vois ces chronos réalisés dans la semaine, tu regardes peut-être avant tout le nombre de tours parcourus par chaque pilote, c'est ça qui te semblerait plus important. Parce que tu parles de Alonso par exemple, c'est vrai qu'en chronomètre pur, il ne fait que le 7e temps de la semaine, mais il fait 269 tours sur 2 jours. Donc c'est, je crois que c'est celui qui en fait le plus d'ailleurs. C'est ça que toi qui t'interpelle plus ? Oui, exactement. Ouais. En fait, c'est le nombre de tours qui montre d'abord la fiabilité de la voiture, parce que pour jouer le championnat du monde, si on peut marquer des gros points dès le début de saison, ça peut vraiment faire la différence. On l'a vu avec Button l'année dernière, qui a gagné les premières courses et qui après a pu gérer son avance. Mmh. Et puis surtout, le fait que Alonso ait effectué autant de tours, ça montre que Ferrari s'est concentré surtout sur les simulations de course. On part avec 200 kilos d'essence et puis on va jusqu'au bout. On voit comment la performance de la voiture bouge, comment on traite nos pneus, etc. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le critère déterminant pour gagner les courses cette année. Être bien placé sur la grille, bien sûr, à vide, ça servira toujours à quelque chose. Mmh. Mais si la voiture dégrade ses pneus une fois qu'elle a 200 kilos d'essence, ça servira pas à grand chose. Donc, avantage peut-être Ferrari pour le moment. Bon, alors je disais, tiens, en nombre de tours parcourus. Non, en fait, Alonso a été battu par Nico Hülkenberg, avec sa Williams, qui a fait 275 tours en 2 jours et qui se classe dans le top 10. Michael Schumacher n'est pas le premier Allemand au classement de la semaine. C'est Hülkenberg qui est devant. Tu y crois, toi, à Hülkenberg et à son potentiel ? Oui, Hülkenberg, c'est vraiment un très très bon qui arrive. Il a vraiment été phénoménal en GP2 l'année dernière. Maintenant, avec Williams, il va falloir voir. L'équipe sait faire une monoplace de Formule 1. Elle l'a déjà montré à plusieurs reprises. Elle a choisi d'utiliser un moteur Cosworth qui fait son retour cette année. Et ça, c'est la grande inquiétude. Où en sera la fiabilité de ce moteur? Où en sera son appétit également? Est-ce qu'il va consommer plus que les autres? Et puis, quel sera son niveau de performance? Est-ce qu'il sera aussi puissant qu'un Ferrari, qu'un Mercedes ou un Renault? Ça, c'est encore un gros point d'interrogation. C'est vraiment un pari osé que prend Williams, mais c'est aussi comme ça parfois qu'on peut gagner des championnats du monde. Tiens, on parlait des pilotes allemands. En fait, non, c'est Rosberg qui a été le meilleur de la semaine, 6e, Hülkenberg 9e, Michael Schumacher 10e, Sutil 11e, Glock 12e, Vettel 13e. Arrête-moi, il n'y a que des pilotes allemands dans cette F1. En tout cas, c'est fou, là, le tir groupé, c'est impressionnant. Hamilton 14e, Massa 15e de la semaine. Alors, Jarno Trulli, tiens, je voulais t'en parler. Jarno Trulli qui, hier, fait 141 tours avec la Lotus. C'est encourageant alors si on garde à l'esprit ce côté endurance. Ouais, c'était exactement l'ambition de Mac Gascoigne, qui est le directeur technique de Lotus. C'est pas un débutant. Il était chez Toyota avant, il était chez Benetton et chez Renault. Il est très très bon, Mac Gascoigne, quand il s'agit de faire des voitures qui doivent passer du fond de la grille jusqu'au top 5 à peu près. Ouais. Et c'est vrai que sa philosophie avec la Lotus, c'est de dire on va faire quelque chose de sérieux, qui a fait ses preuves. On va pas essayer de se fourvoyer dans des solutions aérodynamiques bizarres ou répartition des masses bizarres. On veut quelque chose de stable. Et puis après, petit à petit, on va monter la cadence. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La Lotus, là, elle manque un peu d'appui aéro, elle manque un peu de grip, d'adhérence mécanique, mais c'était sa première sortie officielle. Elle a aligné les tours, elle est un petit peu loin au chrono. On va voir, mais c'est parmi les nouveaux venus, Lotus, c'est vraiment l'équipe qui pour l'instant inspire le plus confiance et qui donne l'impression de faire les choses dans l'ordre. Et puis code d'amour exceptionnel, j'imagine que forcément on va retransférer un petit peu, même si ça n'a rien à voir avec l'équipe Lotus historique, si j'ose dire. C'est un nom mythique, forcément, là ça va jouer. Oui, puis en plus l'équipe joue à fond là-dessus. vue avec une voiture verte avec la fameuse bande jaune. Voilà, on a l'impression de revoir un peu une voiture que pourrait piloter Jim Clark. Quoi. Bon, alors pour conclure, Stéphane, dis-moi ce que tu penses de la deuxième place de Kubica. On le disait, Renault, alors que faut-il peut-être en conclure déjà? C'est super encourageant parce que entre les premiers tours de route de cette Renault et puis ce qui s'est passé cette semaine, il y a vraiment beaucoup de performances qui a été trouvée. Après, il y a un petit souci, mais c'est un souci qui est récurrent chez Renault depuis plusieurs années, c'est le freinage. Alors la voiture, elle freine, il n'y a pas de problème, mais la sensation à la pédale, une pédale très longue, très spongieuse, elle handicape vraiment les pilotes. Il ne faut pas le cacher, c'est vraiment ce qui a handicapé Piquet et après Grosjean l'année dernière. Alonso arrivait à s'y faire, mais là, Kubica, ça ne le fait pas du tout. Kubica leur demande absolument de revoir ce système de freinage. Il n'a pas le feeling avec la pédale, il ne se sent pas en confiance. Du coup, sur chaque freinage, il perd peut-être un petit centième, un petit dixième ici ou là. Et ça compte, c'est sûr. Et malgré ça, il fait deuxième. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a des essais à Barcelone la semaine prochaine, Renault garde toutes ces nouveautés et toutes les choses un petit peu sexy qui seront apportées sur la voiture pour Bahreïn. Ouais. Et on annonce 40 à 50% de pièces nouvelles sur la Renault pour la première course. Donc le diffuseur, aileron arrière, aileron avant, capot moteur, tout ça, ce sera jeté à la poubelle et revu complètement pour la première course, histoire de prendre la concurrence par surprise. Donc du coup, moi je vois bien Renault commencer la saison à la cinquième place des équipes, derrière les quatre ténors, et puis peut-être petit à petit venir inquiéter les gros bras. Bon. Et c'est exactement le plan de marche, c'est exactement ce qu'on a envie de faire. Et en 10 secondes, Michael Schumacher, 10e de la semaine, tu le sens bien dans ses baskets, ça y est, il est revenu, il n'y a pas de doute. Il sera là, c'est évident. Il a même dit, ça y est, c'est sûr, on va se battre pour le championnat du monde cette année, donc voilà, le baron rouge devenu baron riz est de retour. C'est ça. Mais il garde son casque rouge alors, c'est sûr ça? Pour l'instant, il garde le casque rouge, mais c'est bien, on le voit bien dans la voiture. Oui, c'est ça. Ça effraie toujours les concurrents quand le casque rouge arrive dans la course. Bon, merci Stéphane de nous avoir éclairé de tes lumières. Et on a bien compris, tout se met en place et que ça va devenir de plus en plus passionnant. Et nouvelle semaine d'essai à suivre à Barcelone, donc on en reparlera la semaine prochaine dans Motors, bien évidemment. Bon dimanche à toi Stéphane, et à bientôt. Allez, salut. Allez, nouvelle petite pause et puis on revient pour terminer cette première heure de Motors où on va parler un petit peu moto. Mais oui, quand même, les deux roues ont le droit de s'exprimer aussi. À tout de suite. RMC Motors, avec Motors TV, Laurent-Frédéric Bollet. 12h48 sur RMC, c'est Motors. On va parler moto, car dans une semaine, débutera le championnat du monde Superbike. Et on a un gros faible pour ce championnat du monde. Bien sûr, le MotoGP, on le suit et on le suivra toujours sur RMC. Mais le championnat du monde Superbike, on l'adore. Et c'est Rodolphe Quasco qui va nous en parler. Salut Rodolphe. Salut LFB. Merci d'être avec nous. Tu vas effectivement nous remettre un petit peu dans le contexte ce championnat du monde Superbike 2010. Sachant que je regardais tout à l'heure, pour être bien sûr de quoi on parle, le calendrier, bonne nouvelle, Manicourt récupère sa place de dernière manche de la saison. Oui, effectivement, hein, Manicourt qui revient dans la tradition, puisque c'était le cas déjà depuis sa création, depuis 2003. Ça avait été depuis passé du côté de Portimao au cours des deux dernières saisons, mais là ça revient effectivement comme l'épreuve de clôture, la 13e de l'année. Il y aura 26 courses au total cette saison parce qu'il y a deux manches le dimanche de course sur tous les événements. Bon, alors quand je disais bonne nouvelle, tu vois ce que je veux dire, c'est parce qu'on peut penser qu'évidemment, c'est souvent le cas, le titre se joue vraiment jusqu'au dernier rendez-vous, et dans ces cas-là c'est bien d'accueillir une finale, on est bien d'accord. Ah oui, c'est-à-dire ce circuit a d'ailleurs vu nombre de pilotes être couronnés, déjà plusieurs titres se faire le même week-end par le passé, et donc c'est toujours bien. Avec il y a beaucoup de drama dans le championnat du monde Superbike, beaucoup de suspense, et c'est vrai que d'avoir comme ça une dernière épreuve en France, ça va permettre de bien clôturer la saison qui commence tôt, parce que c'est un des premiers championnats qui commence aussi tôt dans la saison. Donc c'est la semaine prochaine. Qui va terminer début octobre. Ouais, alors ça commence la semaine prochaine. Alors je précise juste que le nouveau président du directoire de la société du circuit de Nevers-Manicourt, on va le dire officiellement, Serge Saulnier, sera notre invité au téléphone dans une vingtaine de minutes en direct sur Motors. Et il nous parlera peut-être d'ailleurs de ses grands rendez-vous prévus, bien sûr, sur le circuit tout au long de l'année. Alors ça commence la semaine prochaine. Philippe Island en Australie, super circuit, superbe ambiance, j'imagine. Les équipes y sont déjà. Les équipes y sont déjà, ça a déjà roulé aujourd'hui, ça roulera également demain pour ce qui est l'ultime séance de répétition avant le grand bal de la semaine prochaine. Et déjà aujourd'hui, le super sport comme le superbike ont tourné en Australie. Et puis on parlait également des forces en présence, alors, ça a changé parce que Ben Spies, qui a fracassé un petit peu le Superbike en 2010 avec un titre acquis dès sa première saison, est parti en MotoGP. L'Américain Ben Spies déserte, hélas, ne remet pas son titre en jeu, on est d'accord. Non, parce que c'est dans une évolution logique après trois titres en championnat américain, eh bien on a aussi bien évidemment on s'est tourné maintenant quand on est un jeune garçon comme lui vers le MotoGP. Mais alors il n'aurait pas été champion, Rodolphe. Il n'aurait pas été champion. Tu crois qu'il aurait remis quand même l'aventure, le couvert en Superbike, ou il serait parti quoi qu'il arrive en MotoGP? C'est un petit peu difficile à imaginer autrement. C'est vrai que au mois de juillet l'année dernière, aux États-Unis à Laguna Seca, Yamaha disait de toute façon Ben Spies fera bien ce qu'il voudra, parce que pour nous, on est avec Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, et on se concentre sur ces garçons-là. Mmh. Et puis les choses ont très rapidement évolué au cours des semaines qui suivaient. Et la signature de Ben Spies a été faite avant qu'il ne soit titré. Donc c'est un petit peu difficile à prévoir dans ce sens-là. Mmh. C'est vrai que les fenêtres d'opportunité en MotoGP étaient relativement difficiles. On avait beaucoup parlé à l'époque de Randy Le Punier chez Tech 3. Et il faut dire maintenant que Ben Spies s'en va chez Tech 3 parce qu'un jeune pilote rookie ne peut arriver dans une structure officielle dès la première année. Il est obligé de passer par une structure privée. D'accord. Et donc Toseland qui a beaucoup déçu en MotoGP, lui fera le chemin inverse. Et c'est un petit peu les deux pilotes qui échangent leur montant. Voilà, James Toseland, ancien champion Superbike, on est d'accord. Ah oui, double champion du monde Superbike, James Toseland. Double champion du monde, d'accord. Grosse sensation de la part de Toseland, puis en 2007 également, sur deux machines différentes, une Ducati et une Honda. D'accord. Oui. Alors, avant de parler de Sylvain Gattoli qui sera là, un petit mot de celui qui a été le grand adversaire de Ben Spies l'an dernier. 6 points seulement à l'arrivée, hein, après toute la saison en 2009, à l'avantage de Ben Spies. C'est Noriyuki Haga, le japonais. Donc, est-il le favori logique pour cette saison? Ah, on pourrait le croire. L'inoxydable Haga, depuis le temps qu'il roule dans la catégorie, on aimerait le voir au-delà, mieux qu'une place de vice-champion du monde. C'est vrai que ça fait plus d'une décennie maintenant qu'il roule après ce titre. Alors auparavant, on dirait qu'il y avait Bélis, il y avait Edwards, il y avait un nombre incroyable de postulants qui lui barraient la route. Oui. L'année dernière, un jeune garçon arrive sans connaître les circuits et il lui également fait régler la note en fin de saison. Donc, ouais, favori, oui, mais maintenant, sur une nouvelle moto, puisqu'il est passé chez Ducati l'an dernier sur la moto officielle en lieu et place de Troy Bélis, ça serait un peu logique. Donc, aujourd'hui, Noriyuki Haga, un vétéran du Superbike titré, ça serait effectivement ce qu'on attendrait pour lui avant, pourquoi pas, une certaine retraite. Mais il y a quand même du monde derrière qui pousse. Hein. Voilà. Il y a Léon Aslam qui va être là, coéquipier de Gattoli. Et puis, il y a également les Aprilia, regonflés avec un nouveau sponsor, qui sont très ambitieux cette année. Ouais, Haga, un petit peu malchanceux. C'est ça que peut-être tu sous-entends aussi. Haga, pas trop calculateur parfois. Ouais. Pas forcément capable de gérer une pression ou gérer ce qu'il faut pour mener un championnat. C'est pas forcément un leader de championnat. C'est plutôt quelqu'un qui va nous sortir un jeu incroyable, un peu à la Kevin Schwantz, peut-être certains auditeurs vont se rappeler de cette époque-là. Allez. Et beaucoup plus avec le cœur dans les grosses attaques, et puis parfois être capable de sortir des choses absolument incroyables, moins calculateur, c'est vrai. D'accord, alors on va parler de Biaggi et de Fabrizio, mais alors donc Sylvain Gattoli, nous aurons bien une présence française cette année en championnat du monde Superbike. Récupéré par le col, par Francis Batta, Sylvain Gattoli, on va le rappeler, du MotoGP jusqu'en 2008, et puis il est repassé en British Superbike en 2009, avec dès le début de saison, alors que c'était déjà des débuts très prometteurs pour lui avec de bons chronos, il se fait percuter à Donington par un autre pilote, Joshua Brooks, et le voilà hors des circuits pendant depuis toute la fin de saison. Une des plus grosses blessures de sa carrière au niveau de la cheville, plat du tibia qui a vraiment été malmené, une cheville également bien explosée, si on peut dire. Et puis il s'est reconstruit et Paul Dunning, le patron de l'équipe MotoGP Suzuki en Superbike, qui est également le patron de Suzuki en British Superbike, lui a quand même accordé sa confiance et le voulait effectivement le continuer avec lui en 2010 en British Superbike, avant que Francis Batta ne demande simplement à ce que le Français rejoigne l'équipe Astar en Superbike mondial, ce qui a été fait dès la fin de saison, puisque Gattoli a effectué les dernières courses à Portimao l'an dernier, et il fera équipe avec Léon Aslam. Donc il s'en sort bien, Sylvain, et on attend beaucoup parce que c'est quand même un garçon talentueux. Oui, tu crois que honnêtement, il y a de quoi faire des choses là pour Sylvain Gattoli cette année? Il y a de quoi faire des choses pour Sylvain Gattoli quand on a fait comme lui deux saisons en MotoGP et qu'on a prouvé des choses en Superbike, même si la réglementation est différente, les pneumatiques et puis également tout le package technique est complètement différent de ce qui a été. Il est vrai qu'il possède de bonnes chances de pouvoir s'illustrer, et de toute façon il va le devoir, parce que si on prend les essais qui ont lieu aujourd'hui en Australie, Aslam est 3e, Gattoli est 12e, on est déjà en train d'établir la hiérarchie, même si Philippe Island ne reflète jamais ce que va être la saison. Oui. Alors je vais te citer trois noms là, tu me dis rapidement ce que t'en penses. Max Biaggi, une star Que peut-il une énorme star, oui. Une énorme star, McVeigy, avec Aprilia, peut-être capable d'aller chercher le titre. Attention, l'Aprilia est quand même l'arme redoutable du championnat, maintenant, face à la Ducati. Donc, Biaggi, c'est peut-être l'année ou jamais. Bon, Michel Fabrizio, troisième l'an dernier du championnat, le coéquipier d'Aga. Un petit cran en dessous quand même du japonais. Un cran en dessous du japonais, puis pareil, peut-être pas forcément les épaules pour mener un peu plus d'inconstance en résultat, puis pas forcément les épaules pour mener et réfléchir à une saison complète, notamment pour le titre. D'accord. Alors, Max Neukirchner, moi j'avoue que j'aime bien ce pilote allemand qui a été blessé l'an dernier, qui a été absent pas mal de temps. Mais alors, il change d'équipe, non? Il est sur une Honda maintenant avant. Il est parti sur Honda Tenkate après avoir été chez Astar. Max Neukirchner, s'il veut vraiment prouver que c'est un pilote de valeur et capable de remporter les courses, ben c'est aussi maintenant qu'il faut qu'il se réveille, parce qu'il a un coéquipier notamment qui est là, qui s'appelle Jonathan Rea. Mmh. Et Max Neukirchner, eh bien, ça fait quand même pas mal d'années qu'il roule, donc il n'y a plus forcément beaucoup de fenêtres de tir pour lui. Bon, BMW avec toujours Troy Corser et Rubens Zoos, c'est un engagement officiel. Que faut-il en attendre? Il faut en attendre beaucoup de choses parce que David Tardozzi, qui était le team manager de Ducati l'an dernier, est passé chez BMW après une vie quasiment de team manager. On peut s'attendre à des choses de leur part, même s'ils ont été pas mal perturbés par rapport à leurs essais hivernaux. On peut imaginer que la méthode Tardozzi peut à un moment se ressentir chez le constructeur allemand. Ouais. D'accord. Et dernier nom, Cal Crutchlow, champion supersport en titre, qui donc grimpe dans la hiérarchie, passe en superbike. Est-ce que ça va être une année d'apprentissage ou déjà il va faire mal? C'est une très bonne question. Peut-être que c'est la bombe Crutchlow, quelque chose auquel on ne s'attend pas. En attendant, je vois mal faire comme l'an dernier, arriver dans une catégorie et la remporter dès la première saison. Il a une des meilleures motos, comme Tosland, son coéquipier, deux Anglais. Crutchlow, il a fait forte impression. Maintenant, il a un coéquipier qui doit impérativement tout refaire rebriller cette année, c'est James Tosland, parce que après deux saisons à côté de la plaque en MotoGP, on peut imaginer que Tosland va vouloir un petit peu prendre sa revanche. Bon, bah en tout cas, déjà premiers éléments de réponse la semaine prochaine, Phillip Island, et bien évidemment on donnera le résultat dans Motors dimanche prochain. Merci Rodolphe de cette présentation très complète, et puis à bientôt. Hein. À bientôt, salut. Allez, ainsi se termine la première heure de Motors, mais la bonne nouvelle, bien évidemment, vous ne l'ignorez pas, c'est qu'il y en a une deuxième d'ici quelques instants.